Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis. 27 avril 1997. Il était un piano noir. Viens le chien, viens là. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Adaptation Sophie Lemp. La folie de chanter. Souvent j'ai eu envie de vous demander, quand avez-vous décidé de chanter ? Est-ce qu'on décide un jour de chanter ? Ou n'est-ce pas plutôt une longue et très belle maladie qu'on porte en soi sans jamais parvenir à en guérir tout à fait ? On ne peut pas décider de faire les choses. Moi, je ne décide rien. Mais lorsque vous fêtez vos 15 ans, l'âge autorisé pour prendre des cours de chant, vous rappelez à vos parents leurs promesses. Ils sont toujours d'accord, mais ne s'occupent de rien. Ils me laissent l'initiative, persuadés que c'est là qu'une envie passagère, une tocade. Je cherche donc un professeur. Dans une rue adjacente, je tombe en arrêt devant une plaque cuivrée où il est écrit « Madame Thomas Dusséquet, professeur de chant ». Dans le hall, j'entends des vocalises, des gammes, des éclats de voix rythmés. J'aperçois une grande et belle femme rousse, un peu forte, qui joue du piano. Ses yeux sont bleus, son lourd chignon piqué de deux épingles d'écaille, c'est Madame Dusséquet. Je parle beaucoup et très vite. Je raconte mon grand rêve. Madame Dusséquet m'écoute. Je vais prendre des cours de chant. Vous prenez vos leçons deux fois par semaine, assidûment, à la stupéfaction de vos parents. Jamais ils ne viendront assister à un cours, partager mes émotions, mon bonheur. Je commence toute seule ma vie de femme qui chante. Pendant un an, je ne fais que des exercices vocaux. J'apprends à respirer, à amplifier, élargir, tonifier, poser ma voix. Madame Dusséquet m'apprend aussi à m'exercer mentalement. Je travaille partout, le jour en marchant, la nuit dans mon sommeil. Je viens d'acquérir une technique qui me servira toute ma vie. Madame Dusséquet vous signale qu'une fois par mois, il y a une audition à Paris, chez Maître Paulet, professeur au conservatoire, dont elle-même est la répétitrice. Vous voilà partie toutes les deux. Maître Paulet vous questionne sur ce que vous avez envie de faire. Je veux faire du musical. Il m'écoute, il rit, je ris. Il décide que je pourrai enfin chanter ma première mélodie. Ce sera Les Berceaux de Gabriel Fauré. C'est Madame Dusséquet qui m'emmène pour la première fois à l'opéra comique et au concert. Ça m'emplit les oreilles et les yeux de sons et de visions magnifiques. Mais une petite lampe rouge clignote dans ma tête, m'avertissant que je ne suis pas là sur ma bonne route. Je veux chanter les mots et la musique de mes contemporains. Je veux dire, murmurer, raconter, dialoguer, colérer, dénoncer, violencer, humourer, parler d'amour enfin. Vous vous expliquez auprès de Madame Dusséquet et de Maître Paulet. Sans doute leurs rêves pour vous sont-ils ailleurs. Mais ils comprennent. Ils m'ont toujours laissé libre de décider de ce que j'aimais et de ce dont je ne voulais pas. Je leur dois beaucoup. Je ne suis plus jamais retournée au cours. Je voulais faire du musical. Début 1948, audition au théâtre Mogador. On recherche des mannequins choristes pour l'opérette Violettes Impériales, livrée d'Albert Villemetz sur une musique de Vincent Scotto. Vous avez 17 ans. Je me rends à l'audition. Le pianiste attaque les premiers accords. C'est à moi, je vais chanter. Je suis tout de suite interrompue. J'entends mal la voix qui me parle et qui monte de la salle.

et dans le même temps, votre père a fini par abandonner le domicile conjugal. Après son départ, je peux plus acquitter les mensualités du piano qu'il louait pour moi. Un mercredi, sur le coup de 14 heures, trois géants viennent me l'enlever. C'est comme une amputation. Je me souviens de la douleur lancinante ressentie dans le bas des reins. Elle reviendra à chaque bouleversement de ma vie. Désespérée, envahie par une révolte d'une rare violence, je quitte Vitruve le jour même. Je n'ai pas 18 ans. C'est ce jour-là que commence votre vie de voyageuse, votre longue route. Je pars à Bruxelles en train pour me rendre chez un cousin très éloigné. Il dirige un orchestre de balalaïka et sait que je veux chanter. Il m'héberge durant 2 mois. Tandis qu'il me cherche du travail, je fais son ménage, tiens sa maison, j'attends, j'espère. Peu à peu, il devient méchant, brutal. Un après-midi, je m'enfuis. Je connais personne à Bruxelles. Je traîne, je rôde, je marche beaucoup. Un soir, je descends dans la rue pour me prostituer. C'est pas le malheur, le grand malheur, mais c'est un chagrin. Pour de l'argent, pour manger ou élever un enfant, par amour pour un mec, pour payer sa dot, rarement par vice, c'est ainsi que ça commence. Et mon sarrau du dimanche contre de la moire, mon doux regard d'infante et mes allures guindées pour des regards d'amante, pour des airs encanaillés. Les matinées enfantines où l'on bousculait Chopin, les réunions de cousines autour d'un fuseau de lin, les petites bonnes étouffées que mon père affectionnait, et les amants de ma mère qui s'installaient pour l'année. Ben j'en ai eu assez. J'ai troqué mes chaussettes blanches contre de bas noirs, et mon sarrau du dimanche contre de la moire. Et ce besoin de tendresse que je trimballais, l'échanger pour des caresses, l'échanger pour des baisers. Me voilà sur le boulevard Hanspa. J'ai peur. J'avance. J'avance. J'ai peur. Il pleut. J'ai faim. J'avance. C'est pas possible que ce soit moi ce soir-là qui marche sur le boulevard Hanspa. Je suis vite repérée par les filles qui m'interpellent en riant. Elles sont belles. Elles sentent bon. J'ai faim. J'avance. J'ai honte. Je bifurque, mais je sens que je suis suivie. Je presse le pas. Derrière moi, on accélère aussi. On me parle. Je me retourne, je regarde, j'insulte très fort. Faut du courage pour se prostituer. Mais j'ai pas ce courage-là. Vous quittez alors Bruxelles pour Charleroi. Mais un jour de 1951, vous avez envie de revenir à Paris. Je veux rentrer à Vitruve. Voir ma mère, mes frères, ma sœur. Juste les voir, puis repartir. De retour à Paris, vous commencez pourtant à chercher du travail. Pierre Prévert ouvre un nouveau lieu, la Fontaine des Quatre Saisons. Les auditions sont déjà terminées. Il ne reste qu'une place de plongeuse à 8 francs par jour. Une place de plongeuse à 8 francs par jour. J'ai besoin de travailler, c'est oui, merci. Le tout Paris se déplace à la Fontaine des Quatre Saisons. Pour venir voir, entendre et applaudir le dîner de tête de Jacques Prévert avec Roger Pigault, Mouloudji qui fait ses débuts dans la chanson, les marionnettes de La Faille, Boris Vian, Francine Claudel, Louis Bessières ou Henri Crolla. Durant presque une année, je lave les verres du tout Paris. Émerveillée, je vois défiler par la petite lucarne de ma plonge Édith Piaf, Eddie Constantine, Simone Signoret, Yves Montand, Daniel Hivernel. C'est grâce à ma place de plongeuse que je peux admirer tous les soirs un spectacle que j'aurais jamais pu m'offrir. Mais porter des caisses et faire la plonge, c'est dur. Un jour, exténuée, malade, je pars. Au début de l'hiver 1952, vous voilà de nouveau sur la route de la Belgique avec un ami d'amis, Jeff. Vous vous étiez promis de repartir, vous tenez donc votre promesse. Jeff est peintre et partage avec d'autres un endroit qui s'appelle la maison de Boundal. Vous avez 22 ans. Il y a là des hommes, des femmes, tous peintres, qui travaillent dans un immense atelier. Ils m'ouvrent leurs portes, m'acceptent parmi eux. Quand je leur dis que je veux chanter, ils me proposent de faire rentrer un piano dans une des grandes pièces de la maison. Ils discutent de la manière dont ils pourraient gérer l'endroit pour qu'un public jeune vienne m'y entendre chanter. Il est décidé que nous vendrons des jus d'orange et des sodas. Il me faut un pianiste. Et Terry Rouchadze me donne rendez-vous dans la chambre où elle vit. Elle est géorgienne et cherche du travail. Très drôle, très vive. Elle ponctue la conversation de grands éclats de rire. Et puis elle se met au piano. Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais entendu la quatrième ballade de Chopin jouer comme ça. Pianiste. Ah, quel pianiste! Elle accepte de m'accompagner. Et dès le lendemain, elle me fait répéter mon maigre répertoire. Je suis très heureux, je vais enfin chanter. Tous les soirs, un public jeune et clairsemé vient vous entendre et vous voir en buvant un verre. Mais vous n'avez pas de licence. Et les gendarmes de la commune vous semblent bien vite de mettre fin à vos activités. Avec d'autres artistes, vous trouvez refuge au Cheval Blanc, une banale friture. Tout au fond de cet endroit malodorant et mal éclairé se trouve une salle de bal équipée d'une petite scène sans coulisses, mais grand luxe, avec un rideau. Et Terry s'accompagne au piano en chantant des chansons géorgiennes. Moi, je chante à l'enseigne de La Fille sans cœur de Gilles Villard, Madame Arthur de Paul de Kock, Monsieur William de Jean-Roger Cossimon. Au bord du monde, dont les rues s'ouvrent sur l'infini, et de là-bas, comme la terre est ronde, on ne voit pas les États-Unis. Tout le monde s'en fout, il y a du bonheur, il y a un bar, chérie, t'as la blonde, tout le monde s'en fout, il y a du bonheur, à l'enseigne de la fille sans cœur, l'accordéon joue en majeur, tous les airs de ce vaste monde, il y a Rita et ses accroche-cœurs, à l'enseigne de la fille sans cœur. Dans ce petit bar, c'est là qu'elle règne, on voit flamber sa toison d'or, sa bouche est comme un fruit qui saigne, mais on dit que son cœur est mort. Pourtant, les gars sont là tout drôles, les petits, les grands, les malabares, qui entrent en roulant des épaules, il y en a même qui viennent de Dakar. Il y en a d'Anvers, il y en a d'Honfleur, pour l'incant parfois jusqu'en pôle, ils leur regardent, c'est tout leur bonheur. L'accordéon joue en majeur, tous les airs de ce vaste monde, il y a des gars qui jouent leur bonheur à l'enseigne de la fille sans cœur. Ils l'aimaient plus elle était dure, plus son regard était cruel, mettait un cran à leur ceinture, c'était l'enfer, c'était le ciel, un sourire, et c'était dimanche, les gars disaient, bois avec nous. Il tremblait devant sa main blanche, versant le rhum et le vin doux. Le patron connaissait la musique, il aimait le son des écus. Il disait à sa fille unique, fuis l'amour, c'est du temps perdu. Les instants dont faisait rage, on vit entrer un étranger, aux beaux yeux d'azur sans nuage. C'est alors que tout a changé. Il a regardé la fille sans cœur. Elle était comme un ciel d'orage. Quelqu'un fait quand il y a un malheur. À l'enseigne de la fille sans cœur, l'accordéon joue en mineur. Une chanson dans le vent sauvage. Il y a une fille, le visage en pleurs. À l'enseigne de la fille sans cœur. Il a dit, c'est toi ma divine, elle a dit, oui, je suis à toi. Elle a pleuré sur sa poitrine, il la ferait entre ses bras. Les autres, alors mélancoliques, sont partis avec un soupir. Le vent chantait sur l'Atlantique pour ce cœur qui venait de s'ouvrir. Ils ont prié. faire leur grand bonheur. Le patron du fermé boutique, on l'a vu boire sous ses liqueurs, à l'enseigne de la fille sans cœur. Alors l'État, accapareur, qui a jamais eu le sens du comique, a mis le bureau du percepteur, à l'enseigne de la fille sans cœur, a mis le bureau du percepteur, à l'enseigne de la fille sans cœur. Après quelques mois heureux vient le temps des discussions orageuses pour de nébuleuses questions d'argent. Les patrons, voyant que les affaires prospèrent, veulent augmenter le prix des consommations et nous ne souhaitons pas voir augmenter le ticket d'entrée. Bref, nous nous séparons. C'est le mime Cornelis qui vous donnera l'adresse d'Adrienne. Chez Adrienne est une boîte minuscule, peut-être l'endroit le plus exigu où vous ayez jamais chanté. Adrienne cherche une pianiste et une chanteuse. Sur un petit piano droit, et Terry joue à la carte. Moi, je chante. Peu importe ce qui se passe autour de moi, je chante. C'était Il était un piano noir. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Deuxième épisode. La folie de chanter. C'est peut-être bien Dieu, c'est peut-être bien diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là. Avec dans le cœur, Sophie Doll, soleil, Barbara, Claude Aufort, Le Piano Noir. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable. Adaptation Sophie Lem. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Claude Niort, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation Cécile Lafont. Réalisation Juliette Eman. Mais pour autant de beauté, merci et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et ses prunes éclatées, et tous ses lilas blancs, et ses gros yeux rouges, mais ses rires d'enfant, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour autant de beauté, merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là, cueillons-les sans rien dire, va, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu et celle du malin qui un jour s'unissant croiser nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour cet amour-là, merci et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi, merci et chapeau bas. Il était un piano noir, mémoires interrompues de Barbara, et publié aux éditions Fayard.